professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les stratégies des espèces animales pour extraire de l'énergie et l'allouer à différentes grandes fonctions, grandir, se reproduire, se réparer, et à différents organes, le cerveau, le tube digestif, mais aussi les muscles. Comment la construction de l'habitat par les Homo sapiens intervient dans la neutralité thermique? Comment la taille du territoire, sur un cycle d'une année pour les chasseurs-cueilleurs, peut-elle varier selon s'ils arpentent une zone chaude ou froide du globe? Comment l'invention du couteau, l'introduction de la cuisson ont-ils neutralisé les effets thermiques de l'alimentation? Enfin, en quoi aimeriez-vous vous réincarner? Demande l'anthropologue Jean-Jacques Hublin à ses auditeurs du Collège de France. En être éphémère, l'insecte, ou à longévité comme les éléphants? Et quelle est la longévité des Homo sapiens par rapport aux autres mammifères? Nous retrouvons l'éminent paléanthropologue auréolé de sa dernière découverte en équipe au Maroc, aux côtés de Abdelouahed Ben Serr, de l'Institut National d'Archéologie et du Patrimoine. Ils ont découvert le plus vieux des Homo sapiens, âgé de 300 000 ans. L'homme de Jebel Iroud, et donc Homo sapiens, serait plus ancien que ce qu'on pensait. Jean-Jacques Hublin nous propose une nouvelle série de cours intitulée « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine ». Dans cette nouvelle série, au grand titre général et un peu énigmatique pour nous, le paléanthropologue propose d'analyser le rapport entre l'énergie et l'évolution humaine, afin de nous convaincre, à l'issue de cette série, que l'énergie est la chose la plus importante du monde, y compris pour l'évolution humaine et pour l'évolution des organismes en général. Jean-Jacques Hublin, qui est directeur au Max Planck Institute en Allemagne, qui est professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléanthropologie au Collège de France, nous entraîne à nouveau dans une approche pluridisciplinaire et à la pointe des nouvelles technologies pour nous expliquer ce qu'est le métabolisme basal. On va le découvrir dans ce grand cours d'introduction. Métabolisme basal qui est l'énergie nécessaire pour notre corps pour rester en vie. Nous allons découvrir que l'extraction de l'énergie de l'environnement et la consommation de l'énergie pour notre corps va être modulée en particulier par l'environnement artificiel que les hommes, les Homo sapiens, ont pu créer autour d'eux. Et nous gagnons le Collège de France le 10 octobre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine, aujourd'hui, histoire de vie et reproduction. Lorsque j'ai été invité à rejoindre le Collège de France pour enseigner dans cette chaire de paléanthropologie, le contrat initial était de 3 ans. Et il semble que ça se prolonge. Et donc, au cours des 3 dernières années, en fait, pour ceux qui ont suivi le cours, Nous avons parcouru l'évolution, sinon l'évolution des hominines en général, mais en tout cas l'évolution du genre Homo. Et donc, on est arrivé l'année dernière, au dernier cours, avec l'Anthropocène, hein, c'est-à-dire l'époque actuelle. Et quand mon cours s'est terminé, quelques-uns m'ont demandé, des amis m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter l'année prochaine ?» Alors, ce que je voudrais faire, justement, cette année, c'est vous parler d'évolution humaine, mais dans une perspective qui est très différente de celle qui a été la nôtre jusqu'à présent, et qui est peut-être aussi, pour vous, un angle d'attaque, une perspective qui est nouvelle, et j'espère que vous n'en serez pas trop déconcerté. Donc, pour cette année, je voudrais vous parler d'énergie. Vous pouvez vous demander, dans le fond, c'est quoi le rapport entre l'énergie et l'évolution humaine ? Et j'espère que d'ici le mois de décembre, je vous aurai convaincu que, en fait, l'énergie, c'est la chose la plus importante du monde, y compris pour l'évolution humaine et pour l'évolution même des organismes en général. Cette énergie, c'est l'énergie évidemment qui est consommée par notre organisme pour différentes fonctions, mais c'est aussi l'énergie que nous extrayons de l'environnement pour faire d'autres choses, et on aura l'occasion d'en parler. Et ce que nous allons faire dans ces cours, c'est, dans le fond, explorer des fonctions différentes et voir comment les hommes gèrent un peu l'énergie pour satisfaire ces fonctions, qui sont des fonctions biologiques, et puis aussi, parfois, encore une fois, des fonctions qui sont liées à l'environnement artificiel que les hommes ont créé autour d'eux. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de la reproduction. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est de vous montrer comment ces différentes espèces d'hominines qui ont existé au cours des 7 derniers millions d'années, et puis alors surtout, en fait, le genre Homo, c'est-à-dire, disons, les 2 derniers millions d'années, comment, dans le fond, on a des stratégies différentes qui se sont développées dans ces différents groupes. Donc, ce qu'on va faire, on va parler aujourd'hui de reproduction, surtout, on parlera d'autres fonctions, on parlera de l'alimentation, on parlera de la locomotion, de choses comme ça. D'une façon générale, en voyant ce que ça veut dire sur le plan énergétique et sur le plan adaptatif, et puis ensuite, on essaiera d'aller voir dans cet arbre ce qui se passe et comment ces problématiques ont évolué. Alors donc, L'énergie qui est nécessaire à la vie sur Terre, eh bien, ça commence avec le soleil, en fait. Et c'est notre source d'énergie. Et cette source d'énergie, elle parvient sur Terre et elle est captée essentiellement, au départ, par les végétaux, qui sont des producteurs primaires. Et ces végétaux, dans le fond, grâce à des mécanismes chimiques, grâce à la photosynthèse, vont être capables d'emmagasiner cette énergie sous une forme qui est une forme moléculaire, et donc ils synthétisent des molécules à base de carbone notamment, qui sont des molécules complexes et qui dans le fond emmagasinent cette énergie. Ces végétaux eux-mêmes sont consommés par des herbivores. Alors, avant de continuer, je voudrais vous préciser que ça, c'est le schéma, je dirais, principal, le schéma essentiel. Il y a d'autres sources d'énergie possibles pour la vie que le soleil. En particulier, il y a une énergie géothermique et il y a des producteurs primaires qui ne sont pas des végétaux, qui sont des bactéries, par exemple. Et on a des bactéries qui vivent dans des eaux chaudes, en milieu sous-marin ou pas, dans des environnements où il n'y a pas du tout de soleil, mais où il y a quand même une production de molécules organiques par des voies qui sont différentes de celles-là. Mais ça, c'est vraiment le schéma principal. Et puis alors, ces consommateurs, ils vont être eux-mêmes consommés par des prédateurs, pas tous, mais enfin certains, et il y a toute une série de niveaux qu'on appelle des niveaux trophiques. C'est une chaîne, je vais vous montrer ça dans un instant, de proies et de prédateurs. Et cette énergie, eh bien, elle va être transférée comme ça sur des niveaux trophiques de plus en plus élevés. Alors, à chacun de ces niveaux, ce qui se passe aussi, c'est qu'évidemment, il y a une partie de l'énergie qui est dissipée autrement que par la consommation, par des prédateurs. Il y a des déchets qui sont produits par chaque niveau, puis il y a les animaux qui meurent, qui se décomposent. Et donc, il y a tout un cycle, en particulier, qui met en jeu ce qu'on appelle des décomposeurs, qui vont, dans le fond, récupérer une partie de cette énergie qui va finir dans l'eau et qui va finir dans les plantes. Hein. Donc, il y a un cycle comme ça de cette énergie. Alors voilà ces niveaux trophiques dont je vous parlais tout à l'heure. On a au départ de l'énergie qui est de l'énergie solaire, qui est fixée par donc ces producteurs primaires. Et puis ensuite, on a toute cette série de niveaux trophiques, avec pour chaque niveau trophique une perte d'énergie sous forme de chaleur, parce que, en particulier, tous ces animaux... Ces êtres vivants, ils respirent, il y a des processus physiologiques qui font qu'il y a une déperdition d'énergie. Encore une fois, ils meurent, ils se décomposent, cette décomposition elle-même produit de la chaleur, donc il y a toute une partie de l'énergie qui se dissipe comme ça, mais il y a une partie de l'énergie qui est transmise d'un niveau trophique à l'autre. Et j'attire votre attention sur le fait que, bon, alors ça c'est un schéma un petit peu caricatural, mais d'abord, ce nombre de niveaux trophiques qui varie suivant les milieux en fonction de l'écologie. Quand même, ce qui est remarquable, c'est que en termes d'énergie qui est transmise d'un niveau trophique au niveau trophique suivant, eh bien, il y a une variation qui est une variation d'à peu près un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un dixième de l'énergie trophique d'un niveau qui passe dans le niveau suivant. Et cela, bon, ça s'explique assez facilement. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de l'énergie qui se dissipe sous forme de chaleur, il y a des déchets qui sont produits par tous ces animaux qui finissent par se décomposer. Et puis aussi, bon... toutes les souris de la Terre ne sont pas toutes mangées par des serpents. Hein. Donc il y en a quand même qui mènent leur vie de souris tranquillement et dont l'énergie ne passe jamais dans le niveau trophique suivant. Et donc, voilà, elles mènent leur vie de souris. Quand elles ont mené leur vie de souris, elles meurent, elles se décomposent. Et donc, cette énergie-là, elle ne passe pas dans le niveau suivant. Vous voyez quand même que ici. Sur ce schéma, on a cinq niveaux trophiques, et vous voyez qu'avec ces cinq niveaux trophiques, on passe d'à peu près 20 000 kilocalories par mètre carré par an produit dans un certain environnement. Au bout de cinq niveaux trophiques, on n'est plus qu'à 2 kilocalories par mètre carré et par an. Et ça explique le fait que, évidemment, plus on s'élève dans ces niveaux trophiques, et plus les animaux, les prédateurs en particulier, qui se trouvent dans ces niveaux trophiques-là, eh bien, vont avoir besoin en dessous d'eux, dans cette pyramide, d'une quantité, d'une biomasse, et souvent aussi d'un territoire qui est assez important. Et ça m'amène à une autre notion, une notion très importante, cette... perspective d'écologie évolutionnaire, c'est la. Alors c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le jargon professionnel en anglais, qui est le terme de carrying capacity, qu'on peut traduire en français par capacité porteuse. Alors il y a plusieurs termes qui ont été proposés en français. On va garder celui de capacité porteuse. Alors cette capacité porteuse, c'est quoi ? Eh bien, c'est la taille maximum d'une population de n'importe quoi qui peut vivre dans un milieu donné. Et vous voyez tout de suite que cette capacité porteuse, elle va varier énormément en fonction des organismes, mais surtout en fonction des environnements. Je vous ai pris ici deux exemples extrêmes. Le premier, c'est la banquise de l'Arctique. Et puis le deuxième, ça a l'air d'être une île tropicale. En fait, c'est le Portugal. Bon. Mais simplement pour vous dire qu'à la surface de la Terre, il y a des milieux dans lesquels la biomasse est beaucoup plus abondante que d'autres. Et cette biomasse, c'est quoi ? Enfin, ce qu'on appelle la biomasse, eh bien, c'est l'addition de tous ces cette biomasse qui se trouve dans tous ces niveaux trophiques, empilés les uns au-dessus des autres, depuis les producteurs primaires jusqu'aux superprédateurs qui se trouvent au sommet de cette chaîne. Non seulement, il y a évidemment une capacité porteuse qui est complètement différente dans ces deux environnements, hein, en particulier pour des hommes. Il y a un autre aspect qui est important aussi à considérer dans cette comparaison entre ces deux environnements, c'est qu'indépendamment de la température, de la végétation, plutôt de l'absence de végétation dans certains cas, il y a aussi le fait que dans les zones arctiques, on a une nuit polaire qui dure plusieurs mois et un jour polaire qui dure plusieurs mois aussi. Et donc on va avoir une variation de la biomasse qui va être assez spectaculaire entre l'été et l'hiver, et en particulier dans le milieu marin, dans les zones arctiques, polaires, eh bien, il y a un accroissement très important de la quantité de plancton marin, tout bêtement parce qu'il fait jour absolument tout le temps. Et donc, à ce moment-là, il y a une capacité porteuse pour les baleines, par exemple, qui va être relativement élevée, mais qui va diminuer à presque rien pendant l'hiver. Alors, dans les zones tropicales, les choses sont beaucoup plus, si je peux dire, calmes. Il n'y a pas de variation saisonnière aussi brutale. Et puis, surtout, la biomasse, d'une façon générale, est beaucoup plus élevée. Alors, un des effets de cette situation, pour les primates, pour les grands singes, pour les hommes en particulier, eh bien, c'est que la taille des territoires exploités va varier considérablement. Je vous ai expliqué que quand on était un prédateur, surtout un superprédateur, eh bien, il fallait quand même un territoire conséquent avec beaucoup de biomasse et tout un échelonnement de ces niveaux trophiques. Et on retrouve, en particulier dans la comparaison homme-chimpanzé, on trouve absolument l'expression de cette variation très importante de la taille des territoires exploités. C'est cette fameuse capacité porteuse. En gros, les chimpanzés qui sont des primates quand même essentiellement végétariens, même s'ils consomment un petit peu de viande, qui vivent dans des milieux tropicaux, se contentent de territoires qui sont des territoires de quelques kilomètres carrés, hein, un petit nombre de kilomètres carrés. Quand on passe chez les hommes et surtout dans les groupes de chasseurs-cueilleurs, on a des tailles de territoires qui sont très variables, mais qui peuvent être très très grandes. Ne vous laissez pas abuser par l'échelle qui est sur le côté ici, c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que chaque fois qu'on passe un échelon, on change d'un ordre de grandeur, hein, on multiplie par 10 hein, les chiffres. Et donc, en particulier les groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des milieux tempérés froids, comme l'Amérique du Nord, l'Alaska, enfin, qui ont vécu jusqu'à il n'y a pas longtemps dans ces milieux froids, sont des gens qui, pour survivre, ont besoin d'un territoire qui est un territoire immense comparé à celui de nos chimpanzés. On a des territoires, pour certains groupes de chasseurs-cueilleurs, qui sont des territoires de l'ordre de 60 000 km carrés. 60 000 km carrés, ça fait 200 km par 300 km. Donc c'est ce qu'il faut à ces gens pour, dans une année, dans un cycle de déplacement d'une année, c'est ce qu'il leur faut comme territoire pour exploiter l'environnement, en tout cas ce qu'il leur fallait tant qu'ils avaient une vie de chasseur-cueilleur. Alors une fois que nos chasseurs-cueilleurs, nos hommes, ont extrait de l'énergie de l'environnement sous forme de gibier, par exemple, qu'ils ont capturé, eh bien, cette énergie, elle va être consommée, et elle va être consommée essentiellement de deux façons. Alors, évidemment, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être l'activité physique. Hein. Et effectivement, il y a une partie de l'énergie que nous absorbons sous forme d'aliments qui est consommée sous forme d'activité physique. Alors, c'est une proportion qui est extrêmement variable d'un individu à l'autre. C'est pas la peine d'insister. Hein. Les gens dont l'activité physique est assez modeste, pour ne pas dire quasiment nulle, et puis il y a des gens qui ont une activité physique très importante. Donc c'est assez difficile de donner des chiffres, mais disons, en moyenne, sur une certaine quantité de calories extraites de l'environnement, on va dépenser quelque chose comme 30% de cette énergie pour l'activité physique. En fait, la grosse consommation d'énergie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Et le métabolisme basal, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'énergie qui est nécessaire à votre corps pour rester en vie. C'est-à-dire, c'est l'énergie que vous dépensez quand vous êtes au repos, assis, sans activité physique, simplement en respirant, vous n'êtes pas en train de manger, vous ne faites absolument rien, et vous êtes dans des conditions de neutralité thermique, disons, entre 20 et 25 degrés. Et à ce moment-là, il y a à peu près 60% de ce que vous avez mangé à midi qui est consommé par votre organisme, par vos cellules. Alors vous voyez qu'il y a un petit 8%, là, cette tranche verte, qui est de l'énergie qui est consommée en fait pour digérer les aliments. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique de l'alimentation. Pourquoi ? Ben simplement parce que ces aliments dont vous avez besoin pour alimenter votre métabolisme basal et vos activités physiques, eh bien, ces aliments, ils se transforment pas spontanément en énergie dès qu'on les met dans la bouche. Il faut les mastiquer, il faut les digérer. Il y a tout un processus de conversion en énergie. Et même si le bilan final, évidemment, est très, très positif, il faut consommer de l'énergie pour ça, et c'est ce fameux effet thermique de l'alimentation. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe avec ce métabolisme basal à l'intérieur de notre corps. Mais avant, je voudrais insister quand même sur le fait que ce que je viens de vous montrer, je vous ai dit, c'est dans des conditions de neutralité thermique, sans activité particulière, etc. Évidemment, ça ne correspond pas de façon très réaliste à ce qu'est la vie réelle des hommes, et en particulier, je reviens à mes chasseurs-cueilleurs qui sont nos ancêtres. Et donc, cette extraction d'énergie de l'environnement et cette consommation d'énergie pour notre corps, elle va être modulée en particulier par l'environnement artificiel que les hommes créent autour d'eux. En gros, les hommes, ils aiment bien la neutralité thermique. Hein. Personne n'aime vraiment avoir froid, surtout froid comme ça, hein, ou très chaud. Et donc, les hommes ont construit des habitats, ont développé toute une technologie de vêtements, etc., pour, dans le fond, se rapprocher le plus possible de la neutralité thermique. Et ça, c'est à prendre en compte à côté de l'écologie. Et puis, on en parlera de façon un peu plus détaillée quand on parlera de l'alimentation. Il y a aussi une intervention humaine, en tout cas pour les hommes les plus évolués, sur les aliments pour réduire cet effet thermique de l'alimentation. Alors, en un mot, comment est-ce qu'on réduit l'effet thermique ? Ben, on réduit au maximum l'énergie qu'on va consommer pour absorber des aliments. Alors d'abord, de façon mécanique, hein, C'est tout bête, hein, quand vous avez un steak dans votre assiette, vous le coupez en morceaux. Hein, vous n'essayez pas d'avaler le steak entier. Et déjà, ça, c'est le fait d'avoir un couteau et une fourchette, c'est une énorme économie d'énergie. Et donc, les hommes ont réduit leur système masticateur en particulier, bah, parce qu'ils avaient des outils, des moyens de couper la viande, de la hacher, de la faire mariner, même de la faire pourrir, peut-être, on pense, etc., pour réduire déjà l'énergie mécanique nécessaire à l'absorption. Et puis ensuite, il y a la cuisson, alors qui contribue aussi à ces changements, des propriétés physiques des aliments, mais surtout, qui rend ces aliments plus assimilables et qui facilite l'extraction de calories de ces aliments. Il y a tout un tas d'aliments, en particulier d'aliments végétaux, qui seraient très difficiles à métaboliser si on ne les faisait pas cuire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, quand vous étiez enfant, en jouant à la dinette, de manger une pomme de terre crue, mais ce n'est pas très recommandé. Il vaut mieux la faire cuire. Donc une fois cette énergie absorbée par le corps, donc je vous ai dit, elle va être dépensée sous forme d'activité physique, effet thermique de l'alimentation. Et puis le gros morceau, c'est le métabolisme basal. Et ce métabolisme basal, eh bien, il varie énormément suivant les parties de l'organisme qui sont concernées. Donc on a des organes qui sont des organes très gourmands en énergie et d'autres organes qui le sont beaucoup moins. Vous voyez, par exemple, les tissus adipeux, c'est pas mal, ça consomme pas grand-chose en énergie. C'est des tissus, justement, qui, eux, stockent de l'énergie et qui n'en consomment pas beaucoup pour leur maintenance, si je peux dire. Mais par contre, il y a des parties de l'organisme qui sont extrêmement gourmandes en énergie, en particulier le cerveau. Alors ici, sur ce diagramme, c'est le chiffre de 17% qui est donné. On donne plus souvent un chiffre proche de 20%, mais le cerveau qui représente à peu près 2% de la masse corporelle, bah, consomme 10 fois plus d'énergie que la moyenne des organes du corps. Donc à peu près 20% de l'énergie. Vous voyez qu'il y a d'autres gros consommateurs, les muscles. Et les muscles, même quand les muscles ne fonctionnent pas, même quand ils sont au repos, sont des tissus qui consomment beaucoup d'énergie. Et puis aussi tout ce qui tourne autour de la digestion, le tractus digestif consomme beaucoup d'énergie, le foie aussi consomme beaucoup d'énergie. Et quand nous parlerons de ces problèmes-là en ce qui concerne l'évolution du cerveau, vous verrez que, dans le fond, en grande partie, l'évolution humaine, en particulier au cours des deux derniers millions d'années, elle s'est traduite par tout un processus d'adaptation qui a consisté à réduire la consommation énergétique de certaines parties de l'organisme, les muscles par exemple, ou le tractus digestif, pour la réallouer au cerveau et se permettre d'avoir un cerveau de plus en plus gros. Le même diagramme pour un chimpanzé ou un gorille montrerait une portion violette pour le tractus digestif beaucoup plus importante et, en opposition, une partie destinée au cerveau beaucoup plus réduite. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Aujourd'hui, histoire de vie et reproduction. Alors voilà donc notre organisme humain qui est en mesure de fonctionner, qui extrait de l'énergie de l'environnement. Et cette énergie, en fait, au cours de la vie, elle va être allouée à des grandes fonctions. Alors quand je parle de grandes fonctions, je ne vous parle plus d'organes à l'intérieur du corps, mais dans le fond, de fonctions qui rendent la vie possible. Et non seulement la vie possible, mais surtout la perpétuation de la vie possible. Et ces trois grandes fonctions, en fait, sont assez simples à comprendre. La première, c'est la croissance, c'est-à-dire que entre le moment où il y a un œuf qui est fécondé et le moment où on a un être adulte capable de se reproduire, eh bien, il y a ce qu'on appelle la croissance et le développement. Et ça, c'est quelque chose qui coûte de l'énergie. Donc, pendant toute cette phase de notre existence, eh bien, il y a une grande partie de l'énergie qu'on extrait de l'environnement et qui part dans notre métabolisme basal, qui va, d'une façon ou d'une autre, servir à la croissance. Et puis ensuite, un être devient mature, adulte, eh bien, à un moment donné, il va bien falloir qu'il se reproduise. Et cette reproduction, ça coûte. Hein. Alors, ça n'a pas l'air, mais ça coûte, la reproduction, hein, de différentes façons. J'ai un ami qui disait que ça coûtait de l'argent, même. Et puis, il y a une troisième fonction qui est très importante, c'est la réparation. Alors, on parle en anglais, on parle de maintenance. Je me suis rendu compte qu'en français, ce n'était pas toujours évident à comprendre, donc je préfère parler de réparation. C'est quoi la réparation ? Eh bien, c'est-à-dire que notre corps, une fois qu'il s'est développé, qu'il a grandi, eh bien, il s'abîme. Il s'abîme au niveau cellulaire, l'ADN s'abîme, des tas de choses s'abîment. Et donc, il y a tout un mécanisme d'entretien, de réparation constante du corps. Et ça aussi, ça coûte de l'énergie. Et dans le fond, on peut regarder l'adaptation des organismes d'une façon très très haute, hein, c'est-à-dire sans s'intéresser spécialement à leur anatomie, à leur alimentation, à leur locomotion, des choses comme ça, comme simplement, dans le fond, des stratégies différentes d'allocation d'énergie à ces différentes grandes fonctions. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des histoires de vie. Alors là encore, c'est la traduction d'un anglicisme. Hein. En anglais, on parle de « life history ». Alors quand on parle des histoires de vie, il ne s'agit pas de l'histoire de nos vies à tous. Hein. Il s'agit, dans le fond, de cette modélisation, de cette théorisation des stratégies d'allocation d'énergie à ces différentes fonctions. Donc voilà comment ça se passe, j'allais dire un peu plus dans le détail. Je vous ai expliqué qu'il y a une extraction d'énergie de l'environnement qui est produite par des producteurs primaires. Et donc, cette énergie, elle est extraite par l'organisme. Il y a une partie de cette énergie qui va être stockée, en particulier chez nous, sous forme de gras, enfin, de matière grasse. Alors, bon, on la met de côté, mais elle va être consommée à un moment ou à un autre. Enfin, on espère qu'elle va être consommée. Elle devrait être consommée à un moment ou à un autre. Et donc, c'est quand même quelque chose qui, à un moment donné, va se retrouver dans le circuit. Pendant la première partie de la vie, jusqu'à l'âge adulte, dans le fond, il y a l'essentiel de l'énergie, si je peux dire, va être investi dans la croissance, parce que c'est ce qui est vital, c'est ce qui est important. Il faut devenir adulte pour pouvoir se reproduire et produire les générations suivantes. Et une fois la croissance terminée, donc quand on passe à l'âge adulte, alors là, il va y avoir cette fameuse activité physique dont je parlais tout à l'heure, mais surtout ces deux grandes fonctions de reproduction et de maintenance, de réparation. Alors, je vous ai dit que la reproduction, ça coûtait. D'abord, ça coûte de façon différente pour les mâles et pour les femelles, et ça, ça varie aussi d'une espèce à l'autre. Chez les mammifères, les mâles produisent beaucoup plus de gamètes que les femelles, et puis ils font des tas de trucs, vous savez, les cerfs qui se battent, par exemple, ça coûte de l'énergie aux cerfs de se battre, hein. Et puis il faut produire des bois pour se battre. Et les bois, ça coûte de l'énergie aussi, hein. Donc tout ça, ça se paye, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un coût de la reproduction qui n'est pas juste produire des gamètes et les placer au bon endroit, hein. C'est tout un comportement qu'il y a autour de ça. Et puis alors, la maintenance, donc je vous ai expliqué, bon, c'est essentiellement ce métabolisme basal. Il faut se défendre contre des agents pathogènes, donc il y a des réactions immunitaires, il y a la réparation des cellules, il y a la réparation de l'ADN, tout ça est en jeu. Alors quand on regarde le monde animal autour de nous, eh bien on se rend compte qu'il y a des stratégies adaptatives très diverses qui ont été mises en œuvre par différents organismes pour allouer de l'énergie à ces différentes fonctions. Et la valeur adaptative, le succès reproducteur, si vous voulez, on pourrait dire simplement le succès de chaque espèce, en fait, dépend en grande partie de cette stratégie. Alors, dans le monde animal, en particulier autour de nous, il y a des stratégies absolument extrêmes qui ont été mises en œuvre. Là, je vous montre deux photographies qui sont deux exemples très différents. Alors, l'éphémère, tout le monde connaît ça, c'est un insecte qui fait quelques centimètres, qui produit des larves qui vivent dans le milieu aquatique. Ces larves, elles vivent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, dans le milieu aquatique, jusqu'au jour où elles vont se métamorphoser en adultes, enfin, ce qu'on appelle un adulte. Et cet adulte, eh bien, il va vivre seulement quelques heures. Il n'a pas de tube digestif, il n'a pas d'appendice masticatoire ou quoi que ce soit, ça lui sert à rien, parce que l'investissement d'énergie dans la maintenance, c'est zéro. Et toute l'énergie de ces adultes va être investie dans la reproduction. Et une fois qu'ils se sont reproduits, c'est terminé, ils meurent, ils ne servent plus à rien, ils se reproduisent une fois et c'est fini. Donc là, on a un exemple d'espèce qui investit énormément dans la reproduction et, en tout cas, dans le stade adulte, pratiquement rien du tout dans la maintenance, dans la réparation. Alors, à l'autre extrême, on a ces éléphants, alors qui sont des animaux, alors d'abord, d'une taille bien plus considérable que les éphémères, donc eux, ils ont investi dans la croissance, hein. Donc, ils sont devenus très gros, ils vivent très longtemps, et contrairement à nos éphémères, ils n'ont que très peu de petits. Ils en ont un tous les quelques années, hein, et ils vont en prendre soin, et ces petits vont, dans le fond, grandir très lentement. Et ça, c'est une stratégie complètement différente, où il y a moins d'investissement dans la reproduction, beaucoup plus d'investissement dans la maintenance, dans la réparation, et puis dans la croissance. Je vous ai donné ces deux exemples. Il y en a bien d'autres. C'est-à-dire, c'est deux combinaisons, mais ce n'est pas les deux seules combinaisons. Il y a d'autres combinaisons qui existent dans le monde vivant. Alors, on va faire un petit sondage. Imaginez que vous ayez à vous réincarner. Qu'est-ce que vous préférez ? Une éphémère ou un éléphant ? Alors, les éphémères, levez la main. Il y a quelques éphémères, quand même. Hein. Alors, les éléphants ? Ah oui, il y a beaucoup plus d'éléphants. Alors, je vous indique quand même que les éphémères existent depuis le Carbonifère et que ce sont les insectes ailés les plus anciens sur Terre. Donc, les éphémères s'en sont pas mal sortis quand même. Hein. Mais vous avez quand même raison, en fait. Et la raison, c'est que, dans le fond, quand je vous dis qu'il y a des stratégies différentes d'allocation de l'énergie à différentes fonctions, ben oui, mais tout le monde n'a pas à sa disposition la même quantité d'énergie. Et donc ça explique le paradoxe suivant, c'est-à-dire que les gens qui ont des voitures de luxe ont aussi des grandes maisons. Et c'est pas parce qu'ils ont choisi d'avoir plutôt des grosses voitures que des grandes maisons, ils veulent les deux, d'accord ? Et ils veulent les deux. Donc, en fait, si vous vouliez vous réincarner plutôt qu'un éléphant, je vous conseille de vous réincarner dans un homme riche. Évidemment, c'est une blague, mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que dans ce jeu d'extraction de l'énergie et de réallocation à différentes fonctions, bien, il y a des espèces qui ont des capacités d'extraction de l'énergie qui sont bien plus grandes que les autres. Et donc, ça leur permet d'avoir les voitures de luxe, les grandes maisons et tout le reste. Hein. Et dans le fond, quand vous avez choisi l'éléphant, inconsciemment, vous avez quand même choisi une espèce qui est capable d'extraire pas mal d'énergie de son environnement par rapport aux éphémères. Et les hommes, alors eux, sont des super champions de l'extraction d'énergie. On va avoir l'occasion d'en reparler plusieurs fois. Alors, il y a un aspect qui est important à garder en tête dans toutes ces discussions sur les théories de l'histoire de vie, c'est l'aspect temporel. C'est-à-dire que quand je vous dis que une espèce investit plus dans la reproduction ou plus dans la croissance ou plus dans la réparation, c'est pas seulement quantitatif à un temps donné. Hein. C'est pas seulement le nombre de petits, par exemple, qu'on produit. C'est aussi quelque chose qui se mesure dans la durée. Et si j'ai pris deux espèces théoriques hein, qui ont, en termes de métabolisme basal, d'adaptation, une grande similarité, et simplement, vous voyez qu'il y en a une qui met beaucoup plus longtemps à devenir sexuellement mature et à se reproduire. Et donc, celle-là, l'espèce A, en fait, si on considère non pas seulement l'énergie à un moment T, mais l'énergie cumulée dans le temps pour l'investissement dans la croissance, eh bien, c'est une espèce qui investit beaucoup plus dans la croissance et moins dans la reproduction que l'espèce B. Alors, les biologistes qui s'intéressent à l'évolution et qui essaient de comprendre comment ces différentes adaptations fonctionnent, s'intéresse à un grand nombre de traits adaptatifs, et on pourrait en lister énormément, mais je vous en ai listé sept qui sont vraiment importants, et on va discuter de certains d'entre eux. Dans ces modèles adaptatifs à des histoires de vie différentes, il y a d'abord la taille à la naissance qui compte énormément. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui donnent naissance à des petits, très nombreux, de toute petite taille, et puis il y a des espèces qui donnent naissance à très peu de petits, mais qui sont de plus grande taille. Puis il y a aussi même des espèces qui donnent naissance à très peu de petits et de toute petite taille. Vous avez vu le petit panda à la télévision. Enfin, on avait du mal à le voir, même, au départ. Donc la taille à la naissance, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, il y a le nombre de petits, et puis aussi le sexe ratio, le nombre de mâles par rapport au nombre de femelles. Alors, chez les hommes, normalement, c'est à peu près moitié-moitié, mais il y a des espèces où c'est pas du tout moitié-moitié. Ça peut être un sexe plutôt que l'autre, et ça peut être un sexe plutôt que l'autre en fonction des conditions de l'environnement, en particulier la température, par exemple. Les crocodiles pondent des œufs qui vont donner des mâles ou des femelles en fonction de la température moyenne de maturation de ces œufs. Alors, les poissons font des choses encore plus extraordinaires. Ensuite, il y a le mode de croissance, c'est-à-dire la durée de la croissance et puis tout ce qui se passe comme changement pendant cette croissance. Est-ce que c'est une croissance qui est rapide au début et puis plus lente plus tard? Et on va en parler en particulier pour les hommes. Il y a l'âge à laquelle un individu peut commencer à se reproduire et quelle est sa taille à ce moment-là. Alors, ôtez-vous de l'idée qu'il faut forcément avoir la taille maximum adulte pour se reproduire. En fait, c'est pas vrai. Il y a des espèces, et même les hommes peuvent se reproduire sans avoir atteint leur taille adulte maximum. Ensuite, il y a l'investissement reproductif en fonction de la taille et de l'âge. Donc ça peut varier. On peut, vouloir se reproduire plutôt quand on est un jeune adulte. Mais enfin, il y a des messieurs que ça ne dérange pas de se reproduire quand ils sont plus du tout des jeunes adultes, par exemple. Donc ça change. On va parler de choses plus tristes, mais la mortalité en fonction de l'âge et de la taille, et puis la longévité, c'est quelque chose aussi qui est très important. Donc il faut prendre tout ça en compte pour comprendre, dans le fond, le modèle adaptatif d'une espèce en particulier, et puis des hommes pour ce qui nous intéresse. Alors, je vous ai montré tout à l'heure mes éphémères et mes éléphants. On distingue, enfin, les gens qui s'intéressent à l'écologie évolutionnaire et aux théories de l'histoire de vie ont distingué deux modèles extrêmes. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont deux modèles extrêmes, mais qui ne sont pas les seuls qui existent dans la nature. Alors, il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie R. Alors ce R vient de reproduction rate, excusez l'anglicisme, c'est-à-dire le taux de reproduction. Donc là, ce sont des espèces dont la stratégie, dans le fond, c'est d'avoir un grand nombre de petits. Et donc c'est ce fameux taux de reproduction qui est important dans ces espèces. Alors ce sont des espèces qui ont tendance à grandir assez vite. Alors, pas forcément pour atteindre des grandes tailles, mais disons qu'elles arrivent assez vite à la maturité sexuelle. Elles se reproduisent donc à un âge qui est très jeune. Elles ont une vie courte en général. Donc, une fois que la reproduction est faite, souvent elles ne vivent pas très longtemps. Elles ont un grand nombre de petits à la fois. Ça peut être dans certaines espèces, je ne parle pas des mammifères, mais ça peut être des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de descendants. La reproduction n'est, enfin souvent, pas toujours, mais dans les cas extrêmes, la reproduction est relativement peu fréquente, rare. Et il y a une forte mortalité, en particulier des petits qui sont produits. Et alors, ces petits qui sont produits, enfin, ça peut être des œufs, ça peut être des petits, il y en a beaucoup, mais personne ne s'en occupe. En particulier, les parents s'en occupent pas. Et donc, en gros, c'est statistiquement, on espère que sur cette grande quantité de petits, il y en a qui vont survivre. Alors, ce modèle, cette stratégie R, elle est souvent adoptée par des espèces qui vivent dans des milieux qui sont des milieux instables, des milieux imprévisibles. Alors, quand je dis des milieux instables ou imprévisibles, sont des milieux instables ou imprévisibles, des milieux à risque au moment de la reproduction. Pensez par exemple à une tortue marine. Bon, la tortue marine, elle ne vit pas dans un milieu qui est spécialement imprévisible. L'océan, les récifs coralliens, ou même le milieu pélagique, c'est un milieu qui est assez prévisible. Par contre, au moment de la reproduction, quand cette tortue marine va se rendre sur une plage, pondre ses œufs dans un trou, et puis ensuite il va falloir attendre pour que ses œufs éclosent et que les petites tortues se précipitent vers la mer avant d'être dévorées par toutes sortes d'animaux. Ça, c'est un milieu à risque. Ça, c'est un milieu qui est imprévisible. C'est-à-dire que, par pur hasard, il peut y avoir beaucoup de mouettes sur la plage un jour ou beaucoup moins un autre jour. Et donc, les espèces qui sont confrontées pour leur reproduction à ces milieux-là sont souvent des espèces qui ont cette stratégie R. Alors, il y a une autre stratégie qu'on appelle la stratégie K, toujours un anglicisme, ça vient de carrying capacity, hein, ce K. Ces lettres R et K sont des lettres que les écologistes utilisent, je ne parle pas de l'écologie politique, hein, que les écologistes utilisent dans des formules, hein, pour mesurer la, en tout cas, en particulier, les pressions de sélection qui peuvent s'exercer. Alors, la stratégie K, c'est une stratégie qui est complètement différente. C'est une maturation qui est très lente, avec une première reproduction qui est tardive, une longévité des individus qui est assez, assez longue, des petits qui sont peu nombreux, avec une période de reproduction possible qui est assez longue pour chaque individu, une survie élevée des petits et des soins donnés par les parents. Donc ça, c'est les éléphants, hein, et puis c'est nous, hein. Donc les hommes sont, si je peux dire, des super cas, hein. Ils sont à l'extrême de ce type adaptatif, et au moment de leur reproduction, en général, sont des espèces qui se trouvent dans des milieux qui sont relativement prévisibles et qui sont des milieux qui présentent un risque faible. Alors les hommes peuvent vivre dans des milieux qui sont des milieux risqués, mais en tout cas, en général, ils s'arrangent quand ils se reproduisent pour garder leur progéniture dans un environnement justement qui est débarrassé au maximum du risque. Alors, ce qui est important, c'est que non seulement ces deux modèles ne sont pas deux modèles uniques, il y en a d'autres, qu'on ne va pas détailler parce que ce sont assez loin des hommes, surtout ce qui est important, c'est qu'il y a un continuum, en fait, entre le modèle stratégie R et le modèle stratégie K. Donc, il y a des espèces qui trouvent des compromis différents. Vous avez ici, sur ce petit schéma à droite, différentes espèces, et vous voyez ces chiffres sous chaque silhouette, c'est le nombre d'œufs fécondés par an pour chaque espèce. Alors vous voyez que on part de l'huître avec 500 millions d'œufs fécondés par an. Alors, il n'y a pas beaucoup qui survivent, mais milieu extrêmement imprévisible pour les œufs et à très grand risque. Et puis, à travers des poissons, des amphibiens, des mammifères, eh bien, on s'achemine vers le modèle K extrême, qui est un modèle où là, on va avoir un petit tous les 5 ans, 10 ans, voire plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde le taux de survie de chaque population, eh bien, on a dans le modèle K énormément d'individus jeunes qui survivent, et puis la mortalité va se faire sentir surtout sur les individus âgés, à l'opposé de ce qui se passe dans le modèle R, où là on a une mortalité très très forte des jeunes, et puis ensuite eh bien, ça va se calmer, et puis la mortalité va baisser chez les adultes d'âge avancé. Donc il y a des courbes intermédiaires qui représentent d'autres espèces. Alors les hommes, eh bien, je vous l'ai dit déjà, comme les autres hominoïdes, comme les grands singes africains ou asiatiques, eh bien, toutes ces espèces correspondent à cette stratégie K, et donc on retrouve tous ces traits de vie dont je vous ai brièvement parlé. Alors, on peut les regarder un petit peu plus en détail. On va commencer avec la longévité. Alors, d'une façon générale, les grands singes, les hommes, vivent longtemps comparé à d'autres mammifères. C'est assez intéressant de regarder ce que donne la longévité dans l'ensemble des mammifères. Et alors ici, c'est une étude qui est assez intéressante parce que... ce qu'on voit avec ces points rouges, tout ça, c'est des espèces différentes de mammifères. C'est que, en fait, plus on a affaire à des espèces de grande taille, et plus la longévité est importante. Et donc, au sein des primates, eh bien, on a ce phénomène qui joue, et les hommes sont des primates de très grande taille, en tout cas, si vous les comparez à des petits singes sud-américains ou à des prosimiens. Donc on s'insère assez bien dans ce schéma. Dans cette étude, les chercheurs ont aussi introduit des oiseaux. Alors vous voyez que les oiseaux ont une longévité supérieure en fait à celle des mammifères à taille égale. Hein. Donc on a tendance, alors ces échelles hein, en abscisse en ordonnée sont toujours des échelles logarithmiques hein, pratiquement, parce que sinon on ne pourrait pas représenter à la fois une musaraigne et un éléphant sur le même diagramme. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que donc on a cette longévité assez importante chez les oiseaux. On s'est demandé pourquoi, et la réponse, elle vient du fait que quand on vole, comme on dit dans le jargon, on est moins exposé au risque de mortalité extrinsèque. C'est-à-dire que, indépendamment du vieillissement, des maladies, de toutes sortes de choses désagréables qui peuvent arriver, on a moins de chances de se faire attraper par un prédateur quand on vole que quand on vole pas. Et la meilleure preuve de ça, c'est que, en fait, si on ajoute à ce diagramme des mammifères volants, comme les chauves-souris, eh bien, les mammifères volants se rangent avec les oiseaux. C'est-à-dire qu'ils ont une longévité qui est ce qu'on attend pour un oiseau de cette taille-là. Et par contre, les oiseaux qui sont des oiseaux inaptes au vol se rangent avec les mammifères. Hein. Donc, c'est bien le vol plus qu'autre chose qui est en jeu dans cette histoire-là. Du Collège de France, vous venez d'écouter le 10 octobre 2017 le cours de Jean-Jacques Hublin, Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution, aujourd'hui histoire de vie et reproduction. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Paléanthropologie du genre homo » et avec Bernard Seitre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Un grand merci à Virginie Chauvetet, réalisation Anne Sécheret, présentation Mérène Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son interrogation des contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.